Sainte Bible selon saint Jérôme, second livre des rois, chapitre 16. En la 17e année de Phacé, fils de Romélie, régna Achaz, fils de Joatam, roi de Juda. Achaz avait 20 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui était agréable en la présence du Seigneur son Dieu, comme David son père. Mais il marcha dans la voie des rois d'Israël. De plus, il consacra même son fils, le faisant passer par le feu, selon le culte des idoles des nations, qu'avait dissipé le Seigneur devant les enfants d'Israël. Il immolait aussi des victimes, et offrait de l'encens sur les hauts lieux, sur les collines, et sous tout arbre couvert de feuillage. Alors Racine, roi de Syrie, et Phacé, fils de Romélie, roi d'Israël, montèrent à Jérusalem pour livrer bataille. Et quoiqu'ils tinssent Achaz assiégé, ils ne purent pas le vaincre. En ce temps-là, Racine, roi de Syrie, rendit Aïla à la Syrie, et chassa les Juifs d'Aïla. Et les Iduméens vinrent à Aïla, et ils y ont habité jusqu'à ce jour. Alors Achaz envoya des messagers à Téglath-Phalasar, roi des Assyriens, disant : « Je suis votre serviteur et votre fils. Montez, sauvez-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui se sont levés ensemble contre moi. » Et ayant amassé l'argent et l'or qui put être trouvé dans la maison du Seigneur et dans les trésors du roi, il envoya au roi des Assyriens des présents. Celui-ci acquiesça à sa volonté. Le roi des Assyriens, en effet, monta à Damas et la ravagea, et il en transféra les habitants à Cyrène, mais il tua Racine. Alors le roi Achaz alla à la rencontre de Téglath-Phalasar, roi des Assyriens, à Damas. Et lorsqu'il eut vu l'autel de Damas, le roi Achaz en envoya aux prêtres le modèle et la représentation, d'après tout le travail de cet autel. Uri le prêtre construisit donc l'autel, selon tout ce que le roi Achaz avait ordonné, de Damas. Ainsi fit le prêtre Uri, jusqu'à ce que le roi Achaz vint de Damas. Et lorsque le roi fut venu de Damas, il vit cet autel et le révéra. Puis il monta et immola les holocaustes et son sacrifice, et il fit des libations et répandit le sang des hosties pacifiques qu'il avait offertes sur l'autel. Quant à l'autel d'airain qui était devant le Seigneur, il le transféra de devant la face du temple, de la place de l'autel et de la place du temple du Seigneur, et il le mit à côté de l'autel vers l'Aquilon. Le roi Achaz ordonna aussi à Uri, le prêtre, disant : « Offre sur le grand autel l'holocauste du matin et le sacrifice du soir. L'holocauste du roi et son sacrifice, l'holocauste de tout le peuple, leur sacrifice et leur libation. Mais tout le sang des holocaustes et tout le sang des victimes, tu ne le répandras pas sur cet autel. Et quant à l'autel d'airain, il sera préparé selon ma volonté. » Ainsi Uri le prêtre fit tout selon ce qu'avait ordonné le roi Achaz. Or le roi Achaz enleva les bases ciselées et le bassin qui était dessus, et il ôta la mer de dessus les bœufs d'airain qui la soutenaient, et il la mit sur le pavé qui était de pierre. Même le musac du sabbat qu'il avait bâti dans le temple et l'entrée extérieure du roi, il les transporta dans le temple du Seigneur à cause du roi des Assyriens. Mais le reste des actions d'Achaz qu'il a faites n'est-il pas écrit dans le livre des actions des jours des rois de Juda? Et Achaz dormit avec ses pères et fut enseveli avec eux dans la cité de David, et Ézéchias son fils régna en sa place. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire. Pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.